Bonjour à tous, vous êtes bien sur le 89.5 avec Radio Dio et vous êtes avec nous pour une nouvelle émission de Cours le vieux monde est derrière toi. Aujourd'hui, notre édition de rentrée s'appelle Cours Elsa, le vieux monde est derrière toi et on a décidé de vous parler de l'été. Parce que oui, c'est la rentrée, c'est déprimant, il faut se mettre au boulot, mais quand même, on a passé un super été et puis ça vaut le coup d'en parler. Alors, on va se poser différentes questions, comme par exemple le rapport qu'ont les jeunes à l'été et ce que les jeunes aiment faire pendant l'été, comment ça peut changer leur perception des choses et chambouler leur quotidien. Et pour ça, on a interviewé, comme d'habitude, plusieurs jeunes. Mais avant cela, je vais vous laisser Cassandre vous présenter une chanson qu'elle va nous passer. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire écouter un peu de Samayam, car comme a dit Éléonore, je pense aussi que ce serait une parfaite bande-son pour l'été. Stepson, c'est un morceau de l'album Clumsy, sorti en 94. C'est un morceau qu'on écoute quand on est en colère, quand on a des choses à dire et qu'on veut juste tout brûler. Elle s'écoute bien l'été, car elle est énergique et donne aussi envie de bouger. On vous fait tout de suite écouter Stepson de Samayam. Never will. Maintenant, Sarah va nous lire un texte qu'elle a choisi. Oui, effectivement, je vais vous lire un texte que j'ai pris dans le livre Coquelicot et autres mots que j'aime. C'est un livre qui a été écrit par Anne Sylvestre. Pour ceux qui connaissent, c'est une chanteuse, voilà, une chanteuse qui chante un peu des chansons pour enfants, mais aussi des chansons pour adultes, qui nous a quittés il y a quelques années, malheureusement. Ce texte, il parle de la mer. Parce que moi, quand je pense à l'été, je pense tout de suite à la mer. J'ai eu la chance de partir à la mer depuis maintenant 17 ans, tous les ans. C'est mon 17e été à la mer. Mer, c'est un mot coffre, coffre au trésor, de cuir ou de bois précieux, clouté, incrusté d'argent et de pierreries, ou ficelé de cordage, enluminé d'algues brunes ou vertes, éraflé, réticent à divulguer ses secrets ou prodigue de ses cadeaux, multiples merveilles. L'ayant ouvert, j'en sortirai des coquillages, petites porcelaines enroulées sur elles-mêmes, couteaux plats si fragiles ou nacres précieuses, j'y trouverai des galets qu'on ramasse un à un et qu'on jette à mesure qu'on en trouve de plus beaux. Des roses, des gris, celui-ci est en forme de cœur. J'y réveillerai les vacances à Perro-Guirec et mon premier maillot de bain de pièces que je perdais en plongeant dans les vagues. La fraîcheur sur la peau et le sel qui cristallisait en séchant. Je sentirai dans mes mains la brûlure des écoutes du premier voilier qui me fut confié dans l'archipel des Glénans. Je revivrai la magie d'une traversée où je barrais pendant des heures de Belle-Île à Groix. Je reverrai grandir au loin par vent arrière les tours de La Rochelle. Je ferai résonner les éclats de rire des enfants dans la calanque. Je m'extasierai à la vue d'une sirène jaillissant des vagues sur une plage immense près d'Almeria. J'essaierai de sauver les châteaux de sable de Georges à Noirmoutier. Malchanceuse, je guetterai en vain les baleines à Tadoussac. Je regretterai une fois encore le beau plongeur à qui la magie des profondeurs fit oublier de respirer son oxygène. Je revivrai tant de plongeons, les yeux grands ouverts, vers tous ces bleus, vers tous ces verts, et les bulles argentées. La mer, je n'en finirai pas, mais je le refermerai, ce coffre, en laissant dans le fond, bien oublié, les jours où j'ai pleuré dans l'eau, de l'eau dans de l'eau, bien inutile. Oh, que la mer me manque, que la mer est loin. Voilà, merci. On passe tout de suite aux interviews. On va écouter ce que Éléonore, Elsa, Sarah, Delia, Julie et Lucille ont à nous dire sur l'été. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Sarah et j'ai 17 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente l'été pour toi ? Alors pour moi, l'été c'est vraiment un moment de pause qui dure en général 2 mois, donc les vacances scolaires. Et j'apprécie énormément l'été parce qu'il fait chaud et donc on peut aller à la plage, à la piscine, on peut se détendre avant de reprendre les cours en septembre. Est-ce qu'il y a un été qui a changé ta vie ? Pas vraiment, en fait je dois t'avouer que les étés je m'ennuie un peu en général parce que en fait j'ai tellement de temps libre et je sais tellement pas quoi faire que je finis par rester sur mon téléphone pendant des heures, donc je préfère être en cours en fait plutôt qu'être en vacances. Est-ce que tu penses qu'on peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent pendant l'été ? Je pense que si on n'est pas en présence de ses parents, on peut totalement changer de personnalité, on peut se transformer et j'aimerais beaucoup partir en vacances toute seule ou avec que des copines un jour. Est-ce que, pour toi, ça existe les regrets d'été ? Alors, pour l'instant, non, parce que j'ai pas spécialement eu d'occasion de faire des choses folles pendant mes étés. C'est plus vraiment juste des vacances tranquilles en famille, du coup j'ai jamais vraiment eu de regrets. Ce serait quoi pour toi un été réussi ? Pour moi, un été réussi, ça serait un mois à Ibiza avec mes potes. Ça serait le feu, et sans les parents, bien sûr. J'adore l'idée. Merci beaucoup, Sarah. Mais de rien, ma star. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Julie, j'ai 18 ans. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça représente l'été pour toi? L'été, c'est 2 mois de vacances, c'est du temps pour se reposer, pour sortir et pour s'amuser. Est-ce qu'il y a un été en particulier qui a changé ta vie, qui t'a marqué, dont tu te souviens beaucoup ou Non, pas vraiment. J'essaye de profiter à fond d'un peu tous mes étés. Donc, il n'y en a pas un qui m'a marqué plus qu'un autre. Et est-ce que tu penses qu'on peut être quelqu'un de différent et être quelqu'un d'autre pendant l'été, genre changer de personnalité et puis... Je pense que oui, parce qu'on est en dehors des études et de toute la pression, on va dire. Du coup, on peut être quelqu'un d'autre et être peut-être nous-mêmes. Et est-ce que tu penses que ça existe, les regrets d'été ou les regrets de ce que t'as pas fait en été ? Oui, je pense. Parce que l'été, c'est le moment où tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais il y a toujours cette petite phrase que tu peux dire en mode « Oh, bah à la rentrée, je vais me dire j'aurais pas dû faire ça. » Et du coup, tu le fais pas. Et à la fin, t'es en mode « J'aurais dû le faire. » Est-ce que toi, par exemple, t'en as des regrets d'été si t'as envie de les partager ou... Ouais. Ouais, des certaines fois où j'aurais pu devenir pote avec certaines personnes et je me suis dit « Non, je suis mieux chez moi. » Qu'est-ce que c'est pour toi un été réussi ? Un été réussi, c'est un été où t'as profité de chacune des journées ou pour sortir ou pour faire ce que tu veux, voir des gens. Et une fois que t'as profité au maximum, c'est un été réussi. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Eleonora Rouès et je suis en première, en terminale maintenant, vu que c'est la rentrée, au lycée Claude Fauriel. Pour toi, ça sert à quoi l'été ? Pour moi, l'été, d'un point de vue tout à fait scolaire, ça sert à se reposer, à décompresser de l'année, mais c'est aussi une occasion de vivre des choses, de partir en voyage, d'avoir le temps de faire des choses, de se poser et de se concentrer sur nous, sur nos proches, sur nos amis, de passer vraiment de bons moments en n'ayant pas toutes ces problématiques qu'on a dans l'année. Est-ce que la texture du temps est la même l'été ? C'est comme quand on pose la question, est-ce que toutes les minutes s'écoulent pareil ? Quand tu es dans une minute dans un transport en commun avec un gars bizarre à côté de toi, ça passe très lentement. Alors quand tu t'amuses par exemple à une fête ou à une interview, ça passe très très vite. Donc pour moi c'est pareil l'été. L'été, t'as conscience qu'il est long. Parfois il passe lentement, parfois il passe vite. Mais dès qu'il est terminé, tu te dis mais c'était trop court en fait. Et pourtant, c'est 2 mois et tu repenses à tout ce que t'as fait. Tu te rends compte que t'as fait plein de choses, mais t'as pas vu le temps passer et tu pourrais rester 1 mois de plus en vacances sans t'en rendre compte. Ça a quelle odeur l'été pour toi ? C'est une question qui est compliquée parce que j'utilise pas beaucoup mon odorat, mais j'aurais tendance à dire que c'est l'odeur de l'herbe et... Je vais souvent à la mer en été, donc c'est l'odeur de la mer... l'odeur de l'herbe écrasée quand je vais en camping, l'odeur de la forêt quand je vais en Bretagne. Parce que chaque fois que je vais en été, je vais d'abord en Bretagne, puis en Dordogne, au camping, puis à la mer. Et donc il y a cet aspect très forêt, camping, mer et je recommence. Les odeurs sont pas forcément très importantes pour moi. Éléonore, qu'est-ce qu'on n'avoue jamais sur l'été ? Ce qu'on n'avoue jamais, je pense, sur l'été... c'est que c'est un moment où on a envie de vivre parfois une autre vie. Dans le sens où, quand j'arrive au lycée, là, et je m'en rends bien compte, je suis Éléonore du lycée Claude Fauriel, les gens me connaissent quand je retourne à Saint-Étienne, même dans cette fête. Et alors qu'en été, je suis la fille là-bas et je peux... comme prendre un nouveau départ avec les gens et essayer de montrer d'autres aspects de moi-même et peut-être me comporter d'une manière comme je ne me comporterais pas avec des gens que je connais ici. Par exemple, moi, en l'été, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres et j'ai tendance à être très extravertie, à vouloir aller avec les gens et vivre des choses. Passer du temps avec des gens que je connais pas, que j'aimerais mieux connaître, faire plein d'activités et d'activités. Et donc j'ai tendance peut-être à avoir moins de filtres et moins de réserves à faire tout ce que je veux. Parce que dans tous les cas, comme j'ai dit, ça ne dure que 2 mois et 2 mois c'est court. Donc c'est 2 mois que je peux passer à être qui je veux et à faire ce que je veux. Et en dernière question, ce serait quoi pour toi la bande-son idéale d'un été ? Alors, pour moi, une bande-son idéale d'été, il n'y a pas une bande-son idéale parce que j'écoute toujours les mêmes musiques à la même période, mais j'ai envie de dire quelque chose qui bouge. L'été, c'est peut-être pas le moment de la mélancolie. Donc, j'aurais tendance à dire, si vous connaissez, bien évidemment, peut-être du Nada Surf ou du Samayam pour agrémenter votre été, et très certainement un peu de Jimmy Eat World parce que ça bouge bien. Je suis carrément d'accord. Merci beaucoup, Éléonore. À bientôt. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour. Du coup, je m'appelle Lucille. J'ai 17 ans. Je suis en terminale. Voilà. Pour toi, ça sert à quoi, l'été ? À se reposer, à vivre des aventures qu'on n'a pas le temps de vivre pendant l'année. À vivre, faire plein de projets et tout, justement avec comme on a plus de temps. Est-ce que tu trouves que le temps il passe à la même vitesse l'été ? Pas particulièrement. Enfin genre je pense que c'est à la même vitesse, c'est comme on vit pas la même chose. Enfin je sais pas trop comment dire, mais je pense que c'est pas exactement. Enfin ça passe aussi vite, je pense. Pour toi c'est quoi l'odeur de l'été ? L'été pour toi il a quelle odeur ? Je pense à une odeur de fleurs, une odeur florale, un peu de... Ouais, une odeur florale. Ces odeurs, est-ce que tu les associes à des endroits où tu pars l'été ? Bah ouais, parce que je pars souvent un peu dans la nature, dans des champs et tout. Ça fait un peu, ouais, penser à des champs de fleurs, dans la nature, quoi. Qu'est-ce qu'on avoue jamais sur l'été ? Qu'est-ce qu'on avoue jamais ? Franchement, je sais pas, je pense que ça dépend avec les gens avec qui on est aussi. Enfin, on n'avouera pas les mêmes choses. Enfin, je pense que ça dépend ouais, des gens. Ça serait quoi pour toi la bande-son idéale d'un été ? En soi, c'est une bande-son qui bouge, parce que du coup, un peu qui se fait s'évader, donc un peu joyeux, pas trop mélancolique, parce que sinon, voilà. Pour toi, tu m'as dit au début que tu avais 17 ans. Est-ce que pour toi, il est important l'été des 17 ans ? Bah en soi c'est avant l'insouciance, enfin c'est l'été avant c'est l'été de l'insouciance parce que on est assez grand mais en même temps on n'a pas à se préoccuper de trouver un appart, de trouver des choses et tout avant parce que l'été de 18 ans c'est la même chose parce que du coup on va rentrer dans la vie adulte, on sera pas forcément avec ses parents et tout. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, alors je m'appelle Elsa, je suis en classe de première et je vais répondre à quelques questions sur l'été. Bonjour Elsa, ça sert à quoi l'été pour toi ? Pour moi l'été c'est vraiment pour penser à autre chose, voir d'autres choses tout simplement, pour permettre de pas rester dans l'idée du lycée, des choses qui pourraient moins bien se passer, enfin c'est vraiment pour voir autre chose, se décontracter je dirais, je trouve ça vraiment pas mal d'ailleurs. Est-ce que le temps passe à la même vitesse l'été ? Pour moi, l'été, le temps passe beaucoup moins vite, enfin beaucoup plus vite, parce que tout simplement, l'été, je suis pas chez moi pendant les 2 mois et je vais chez mes grands-parents qui habitent proche de la plage. Et du coup, ça me permet d'aller à la plage tout simplement, de faire des balades, enfin des choses que je fais pas chez moi. Donc ça fait que le temps passe beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins ennuyant. C'est quoi les couleurs de l'été pour toi ? Pour moi, les couleurs de l'été, je dirais que c'est le bleu. Pour la plage et le ciel, parce que vraiment quand on me parle d'été, je pense directement à la plage, le sable, aller bronzer, enfin toutes les activités qu'on fait en été. Donc vraiment les couleurs de l'été, c'est vraiment le bleu, je pense. Elsa, qu'est-ce qu'on n'avoue jamais sur notre été ? C'est assez compliqué. Moi je dirais que ça peut être, on peut être déçu parce qu'il n'a pas fait beau dans l'été, donc on n'a rien pu faire. Après, Ça peut être des rencontres qui ont été pas comme on l'aurait souhaité, ou encore se dire qu'on aurait aimé pouvoir aller faire la fête ou quoi, et qu'au final ça peut pas se faire. Mais sinon, en général, c'est bon. Et pour toi, ce serait quoi la bande-son idéale d'un été ? Pour moi, la bande-son idéale d'un été, j'ai pas de titre spécifique, mais je pense que ce serait vraiment un son qui fait bouger, qui donne envie de faire la fête, qui donne envie de rencontrer des gens, d'être positif, de vivre, quoi, tout simplement. Donc, je pense que vraiment, c'est la fête. Une bande-son qui donne envie de vraiment faire la fête. Merci, Elsa. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors oui, je m'appelle Delia et j'ai 17 ans. Pour toi, ça sert à quoi, l'été ? Je dirais que l'été, bah, évidemment, c'est surtout pour se reposer, pour profiter et se ressourcer un peu après avoir bossé toute l'année et après avoir fait des choses qui ne nous plaisent pas forcément à longueur de temps. Et puis, c'est aussi pour pouvoir voyager, puis faire des nouvelles expériences, faire des choses que dans la vie quotidienne, on ne peut jamais faire. Est-ce que tu trouves que le temps il passe différemment en été ou est-ce que c'est pareil que le reste de l'année ? Bah évidemment, mais c'est le grand cliché, mais vraiment le temps en été ça passe beaucoup trop vite. 2 mois d'été, ça passe en un clin d'œil. Alors qu'en cours, tu sens chaque minute passer. Au travail c'est pareil, tu sens chaque heure de boulot passer. Donc c'est vraiment pas pareil. Qu'est-ce qu'on n'avoue jamais sur l'été ? Sur l'été, ce qu'on n'avoue jamais, c'est que je pense... Pour les personnes qui peuvent voyager beaucoup et être souvent hors de chez eux, ça fatigue quand même beaucoup. C'est quand même archi crevant d'être dans d'autres villes, d'être dans les transports, de visiter. C'est super bien, évidemment, puis c'est une opportunité que tout le monde n'a pas. Mais c'est hyper fatigant et parfois on ne peut pas en profiter. Puis même, ça peut être la cause de disputes entre amis. Si tu pars en vacances avec tes amis ou même avec ta famille, ça peut mal finir. Enfin, pas mal finir, mais ça peut être cause de discorde, disons. Et puis même pour plein de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, je pense que c'est hyper dur de dire ça à tes amis quand tu vois qu'eux, ils reviennent de vacances, qu'ils ont des tonnes de super photos et toi, tu vas dire « ouais, je suis allée dans ma famille ». Enfin, je pense que c'est hyper dur de dire qu'on n'est pas parti en vacances et d'accepter ça parce que c'est hyper inégalitaire pour certains. Cet été 2024, pendant cet été 2024, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ? Moi, je suis allée à New York pendant cet été-là et c'était vraiment quasi le voyage d'une vie. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'étais avec personne, je connaissais personne du tout dans cette colo, en fait. Et de voir que tu peux passer du temps avec des inconnus totalement des inconnus et qu'au final ça se passe super bien, que tu rencontres des gens et que t'es totalement dépaysé par rapport à ton cadre de vie, j'ai trouvé ça hyper... J'avais jamais vécu ça avant et j'ai trouvé ça hyper cool. Tu t'en souviendras de cet été 2024 ? Ah ouais, clairement. Clairement, clairement. Ce serait quoi la bande-son idéale d'un été ? Ah là là, c'est un peu difficile à dire, mais déjà de la musique légère, puis de la musique qui danse, de la musique qui donne du peps, du rock, un truc pour faire des pogos, ou alors pour danser, ou alors chanter à tue-tête avec ses amis, vraiment un truc pour s'éclater. Il y avait quoi dans ta playlist d'été 2024 ? Moi, dans l'été, j'ai beaucoup écouté Charlie XCX. C'était hyper électro-techno, j'ai trop aimé. Et beaucoup Lana Del Rey aussi, parce qu'elle est venue à Paris faire un concert. Du coup, j'étais un peu en boucle sur Lana Del Rey, même si c'est pas trop la vibe été. Et après, je suis un peu à court d'idées, mais si, j'ai bien aimé écouter aussi Towa Bird. Merci. Eh bien, merci beaucoup aux jeunes qui ont accepté de répondre à nos questions. Et maintenant, on va laisser Delia nous présenter une chanson. Alors oui, je vais vous présenter la chanson Young and Beautiful de Lana Del Rey dont vous m'avez entendu parler à l'instant, parce que justement je l'ai vue dans l'été et ça a été l'occasion pour moi de réécouter nombreux de ses albums et de vraiment réentendre sa musique d'une manière différente de la première approche que j'avais eue il y a quelques années. Et cette chanson en particulier me plaît beaucoup parce qu'elle est... Elle est très triste en fait dans le fond, mais Lana Del Rey l'a écrite en particulier pour le film Gatsby le Magnifique qui est sorti en 2013. Et elle illustre parfaitement l'histoire de ce livre et elle est aussi une chanson intemporelle qui peut résonner avec nous tous et même dans la vie quotidienne. Et quelque part, c'est peut-être parce que le livre Gatsby le Magnifique peut résonner avec la vie de beaucoup de gens. Et donc voilà, c'est une chanson qui met beaucoup en valeur sa voix et qui me plaît beaucoup. Et évidemment, les gens peuvent dire que c'est une chanson pour pleurer, une chanson pour quand on est triste. Mais je pense qu'il y a quand même un certain côté artistique et une beauté de la chanson au-delà des paroles et au-delà des sentiments qu'elle peut inspirer. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and Belen now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you Delia pour cette chanson. Alors tout de suite, on va passer aux inspirations culturelles de l'été. Parce que pendant cet été, on en a profité pour se reposer, pour lire, écouter de la musique. Je laisse Cassandre nous présenter son inspi culturel de l'été. Merci Sarah. Comme inspi culturel de ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler un peu de Dolly Parton et notamment de sa célèbre chanson Jolene. Dolly naît en 1946 dans le Tennessee et commence à faire de la musique dès son adolescence. C'est une icône depuis toujours et encore aujourd'hui, et c'est surtout la reine de la country. Les paroles de la chanson sont simples. Dolly craint que son mari ne la trompe avec une femme très séduisante, la fameuse Jolene, et donc va supplier tout le long Jolene de laisser son homme tranquille. Les paroles sont simples, émouvantes et parlent à tout le monde. La voix de Dolly Parton est très mélodieuse. Je vous laisse tout de suite écouter Jolene de Dolly Parton. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Eh bien, merci beaucoup pour la découverte, Cassandre. Même si on l'avait déjà entendue quelques fois, ça reste toujours une super chanson indémodable. Et puis moi, maintenant, je vais vous présenter le groupe The Hives, qui est un groupe suédois de punk rock. Et c'est vraiment un show incroyable quand on les voit sur scène. J'ai eu la chance de les voir récemment en festival. Et je voulais vraiment parler de ce groupe qui existe depuis sûrement plus de 20 ans, je pense, même presque 30, et qui m'a vraiment chamboulée parce que c'était hyper actuel et ça m'a énormément plu. Les jeunes dans la foule dansaient et faisaient des pogos, mais énormes. Et de voir que la musique punk plaît encore à ce point et que les jeunes peuvent être enthousiasmés encore pour des concerts en festival et des groupes comme eux, surtout qui sont suédois, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc, je vais vous passer une de mes chansons favorites d'eux qui date d'il y a 14 ans, qui s'appelle Die Alright, et qui résume, je trouve, assez bien quand même leur style musical et tout ce qu'ils font, et ça retransmet vraiment l'énergie qu'ils ont sur scène. Now away I go, taking Mrs. D.O. Eh ben merci Delia pour cette découverte. Franchement, en festival, ça doit être mais exceptionnel. Ça doit, on doit entendre à 10 km à la ronde, je pense. Ah mais ouais, vraiment, c'est incroyable. Ça doit être énorme. Moi, j'ai eu envie de vous présenter un livre pour changer. J'ai eu envie de vous présenter « Réparer les vivants » de Maëlys de Kerengal. C'est un livre qui est paru en 2020, donc au moment du Covid. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Simon. Simon, au début du roman, il a un accident. Et un accident de voiture très grave et il va se retrouver en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que son corps fonctionne mais son cerveau ne fonctionne plus, donc il est, il pourra jamais se réveiller. Les médecins vont donc enclencher un protocole de don d'organes et on va suivre pendant 24 heures la réflexion des parents donc autour de la décision est-ce qu'on accepte ou pas le prélèvement des organes de notre fils. Et on va suivre aussi les autres personnages qui vont tourner autour de cette histoire, donc la petite amie de Simon, la receveuse du cœur de Simon et différents médecins. L'écriture de ce livre, elle est extrêmement surprenante parce qu'il y a énormément de détails. On a l'impression de vivre les scènes, avec les personnages, de regarder à travers leurs yeux comme si on y était. Au début, j'ai eu un petit peu de mal avec ce style d'écriture parce que les phrases sont très longues. Le prologue, il est en une seule phrase, donc je vous laisse imaginer 3 pages en une seule phrase. C'est long, on perd un peu souffle au bout d'un moment, mais à force de s'accrocher, j'ai vraiment été captée dans ce roman, il m'a aspirée. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a accès à l'histoire de tous les personnages, à l'histoire personnelle de tous les personnages. Donc par exemple, il y a un médecin, il est extrêmement fan de musique, et on va découvrir que ça va avoir un lien avec le roman. En fait, chaque personnage a son identité propre, et même les personnages qui sont plutôt secondaires, ils ont chacun leur rôle à jouer, ce qui les rend vraiment intéressants et complexes. Et donc cette possibilité aussi dont j'ai parlé de pouvoir voir avec les personnages, ça a apporté beaucoup de profondeur au roman et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, si vous voulez lire un roman, en plus il est assez court, il est très accessible. Donc voilà, Réparer les vivants de Maëlys de Kerengal, c'est ma petite recommandation. Ouais, voilà, ma petite recommandation. Et ben merci Sarah, je le mets déjà sur ma liste de livres à lire. Ok, les filles, je pense qu'on peut échanger et tout. Ouais, allez, moi ça me va carrément. Bon, vous avez des petits retours sur les interviews qu'on a fait ? Est-ce que déjà, je tiens à préciser un petit truc pour commencer, c'est que de toutes nos interviews, on a interviewé que des filles et un peu de notre entourage. Du coup, on sait, par rapport à la critique éventuelle, on va essayer de faire plus divers plus tard. Et d'un autre côté, on s'est dit que ça pourrait être quand même assez intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on vit, nous et nos amis donc proches de nous qui ont des vies et des étés très similaires. Et l'été des 17 ans, pardon, c'est vraiment un été clé et important dans beaucoup de films, dans des séries, dans la culture en général, puis dans l'imaginaire collectif. Et donc, on espère que les interviews vous ont plu. C'est clair. Moi, du coup, j'ai vraiment bien aimé. Vous savez, quand on a demandé aux lycéens qu'on a interrogés s'ils avaient des regrets d'été ou s'ils pouvaient nous avouer quelque chose qu'on ne dit pas forcément sur l'été. Et c'était presque une sorte de confession d'avouer que, oui, l'été, c'est pas toujours génial. Parfois, c'est long pour certains. Et parfois, on passe pas les vacances qu'on aimerait, qu'on rêverait de passer. Donc, c'était presque un soulagement d'entendre une autre forme de vérité que, par exemple, les super belles vacances que peuvent renvoyer les gens sur les réseaux, par exemple, on a l'impression qu'ils vont tous à Ibiza et qu'ils passent des vacances de rêve. Voilà. Mais oui, c'est vrai que des fois, l'été, ça peut être long pour certaines personnes. On peut aller aussi toujours aux mêmes endroits. Moi, je sais que ça fait 17 ans. Enfin non, ça fait un peu moins quand même. Ça doit faire 15 ans que je vais tous les étés dans le même endroit en Vendée. Mais du coup aussi, je trouve qu'avec l'âge, les habitudes, elles peuvent évoluer justement. Parce qu'en été, on ne fait pas forcément les mêmes activités qu'on aura fait, les étés de quand on était jeune. Par exemple, moi, cet été, j'ai pu travailler pendant un mois. C'était une expérience assez intéressante, même si c'était plutôt long. Plutôt long et fatigant, mais... oui, ça m'a plu. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que l'été des 17 ans, on nous le renvoie comme quelque chose qui a beaucoup d'importance, qui est très spécial. Lucille, elle en parlait dans son interview, elle disait que c'était un espèce de... c'est l'été de l'insouciance avant les responsabilités. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que l'été des 17 ans, c'est vraiment cet entre-deux, on est encore un peu... On est jeune encore et on a le temps de profiter. Parce que l'été suivant, on va avoir 18 ans, on va rentrer dans les études supérieures, il va falloir trouver, peut-être un job d'été, une prépa, plein de choses comme ça, un appartement. c'est plus compliqué. Du coup, c'est vraiment pas pareil. Et je trouve que cet été des 17 ans, enfin, par exemple, dans la BD L'été de mes 17 ans, qui est parue aux éditions Bayard Graphique, si vous avez l'occasion de la lire, elle est super. Il y a plein d'auteurs qui se livrent sur leur été des 17 ans. Et entre certains qui vivent l'été de leur vie et l'autre, c'était juste un été comme les autres. Je trouvais ça intéressant d'avoir différents regards sur cet été-là, parce que j'ai l'impression qu'il est spécial. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que les étés, ça peut être hyper ambivalent, que ce soit tous les étés qu'on vit en tant que jeune, mais en particulier l'été des 17 ans, comme tu l'as dit, dans le sens où, et Éléonore en a parlé aussi, en général, on a énormément d'attentes pour l'été. On a vraiment parfois envie d'être une nouvelle personne, comme ce qui est à la mode. Et puis... vraiment être son better self et puis profiter, rencontrer des gens et vivre des expériences hyper enrichissantes, particulières et qui nous sortent totalement de notre quotidien, auxquelles on n'est pas habitué plutôt. Et à côté de ça, c'est fréquent que pendant l'été, on soit fatigué si on est en famille ou si on est loin de chez nous, ou alors qu'au contraire, on s'ennuie profondément chez nous à rien faire. Et c'est vraiment ça, l'été, je trouve perso que c'est hyper idéalisé et que c'est vraiment le moment de tes rêves où tu voyages, tu fais ce que tu veux, tu rencontres des gens, tu peux vraiment évoluer, puis c'est un passage vers l'année suivante. Donc c'est vraiment un moment charnière dans ton année et puis même dans ta vie, surtout quand on est jeune. Et que justement, c'est hyper... Il y a un vrai gouffre entre ce qu'on attend de l'été et ce qu'on imagine de l'été. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en vacances, par exemple, et en fait, quand tu es chez toi pendant 2 mois, c'est super long. Et même après, quand on est plus jeune, cette notion d'été, elle est légèrement modifiée, enfin même beaucoup modifiée, parce qu'en tant que jeune, on a 2 mois de vacances quand on est scolarisé, et puis même quand on est dans l'éducation... Dans le supérieur, on a en général 2 à 3 mois de vacances aussi, parfois des stages, mais ça reste toujours une période assez libre et où on a beaucoup de temps pour se poser l'été et du coup on a envie de faire plein de choses. Mais quand on devient adulte et qu'on entre dans la vie active, on a 5 semaines de vacances par an et donc les 2 mois de vacances, ils filent vite parce qu'il n'y en a pas du tout. Du coup, je pense que ouais, c'est vraiment... L'été pendant la jeunesse, c'est vraiment hyper idéalisé parce qu'on voit ça comme le moment pour réaliser nos rêves. Et en fait, c'est rarement à la hauteur de nos espérances. Et c'est normal, ça peut pas être à la hauteur d'un rêve. C'est vrai parce que aussi, ce qui peut se passer aussi pendant l'été, quand on est jeune encore, et même plus tard en fait, pendant l'été, l'été ça peut être vraiment le moment où on va se comparer aux autres parce qu'il y a toute cette... cette politique du summer body, je sais pas comment appeler ça, mais genre, ouais. C'est pas vraiment ce truc de ouais, faut que je fasse mon summer body avant l'été, retrouver mes 8 séances sur YouTube pour obtenir votre summer body en 2 semaines. Enfin, tu vois, c'est super bizarre, genre. Enfin, et je trouve que l'été, ça peut aussi être ce moment-là où tu vas pas te sentir bien dans ta peau parce que tu vas avoir. Déjà, tu vas te dire, sur les réseaux, ils passent tous des étés de fou et moi, je suis pas. Enfin, je suis tranquillou chez mamie et papy et c'est cool quand même, mais j'ai pas l'impression de vivre. Un été comme sur les réseaux. Et puis tu vas beaucoup comparer ton corps aussi parce que quand même, en été, ouais. Souvent à la plage, t'es en maillot de bain et t'es vraiment toi et ton corps et puis tu regardes le corps des autres et des fois tu peux te comparer, tu peux dire ah ouais je suis quand même... Ça peut être ce moment-là aussi et ça peut être pas facile et ça peut être aussi dans les choses qu'on va pas avouer sur son été. C'est vrai, on aurait pu le mettre dans les regrets d'été ou dans qu'est-ce qu'on n'avoue jamais dans l'été. C'est vrai. Mais ouais, puis le rapport au corps, vraiment, comme tu dis, l'été c'est hyper chamboulé ce rapport au corps parce que quand on est, que ce soit au travail ou alors dans les études, ou même lycée, collège et à l'école, durant l'année, en général, on porte beaucoup de vêtements et on découvre pas son corps comme on le fait à la plage, parce que c'est normal d'être en maillot de bain à la plage. Mais du coup, et puis surtout quand on est jeune, partir par exemple dans une colonie de vacances ou alors avec des amis qui ont ton âge, c'est inévitable la comparaison aux autres, en fait. Et c'est vraiment... C'est vraiment un challenge, en fait, pendant l'été, de pas être démoralisé quand tu te compares aux autres, je trouve. J'imagine qu'avec le temps, on finit par s'en défaire, mais quand on est encore jeune, c'est compliqué. J'espère, mais... Puis après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde aussi, oui, parce vrai. Que... Bien sûr, mais... Moi, ce que je voulais dire aussi sur l'été, c'est que j'ai remarqué que c'est les seules véritables vacances qu'on a de l'année. Parce que moi, je sais que pendant les petites vacances, on a toujours des devoirs à faire, on a toujours cette charge mentale de se dire « punaise, j'ai marre d'action, punaise, j'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à faire ». Et comme on ne fait rien des vacances, on se retrouve le dimanche soir avec tous les devoirs à faire et en plus, on aura stressé pendant 2 semaines parce qu'on n'a pas fait nos devoirs. Je sais que moi, c'est mon cas. les petites vacances, c'est hyper piège. Et ouais, et du coup, d'avoir ces 2 mois, on est complètement libre, on a allé un livre ou deux à lire pour l'aspect philo ou je ne sais quoi, mais à part ça on n'a rien d'autre et c'est vraiment ces moments de waouh, on peut complètement se détacher du lycée qui nous a stressé toute l'année et moi je trouve ça vraiment agréable qu'on ait ces 2 mois où juste on peut lâcher prise et oublier le lycée. Oui c'est clair, on a la conscience totalement libre quand on et sait voilà. En fait que il n'y a rien à faire en fait et c'est génial ce sentiment de il n'y a rien à faire, je peux faire ce que je veux. Exactement. C'est ouais. Totalement. Et puis pour finir sur une petite note musicale. Déjà, un petit mot. Je trouve que la musique, elle prend une place hyper, hyper, hyper importante pendant l'été pour la plupart des gens. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, un moment où on a des tonnes de temps libre. On peut vraiment faire, ce qu'on veut. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à écouter beaucoup de musique, très souvent et en grande quantité, pendant tout l'été, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et puis même, les festivals, ça se déroule souvent en été. Et donc, je trouve que c'est hyper, hyper beau et hyper joyeux l'été, en particulier parce que la musique, elle prend une super grande place. Et c'est hyper cool. Puis même d'être regroupé aux gens grâce à des concerts, grâce à la danse, grâce à chanter ensemble, c'est vraiment un truc qui est hyper fréquent en été et ça, c'est super plaisant. Mais oui, c'est vrai que quand on a parlé de « alors c'est quoi ta bande son idéale pour l'été ?», il y a plein de gens qui nous ont répondu « oui, moi j'écoute de la musique qui bouge, machin, un truc ». Et ben je suis hyper d'accord parce que l'été, c'est aussi, comme tu disais, les festivals, les fêtes et tout. Mais après, moi j'avoue que cet été, j'ai surtout écouté de la musique plutôt tranquille. J'ai pas fait de grosses soirées ou quoi, et du coup j'écoutais vachement de la musique en fin de soirée, quand t'es à la maison, tout cosy, tranquille, t'es en train de préparer le repas, après tu vas peut-être regarder un petit film, faire un jeu. Moi c'est vraiment cette musique-là que j'ai écoutée cet été. Par exemple, j'ai saigné clairement Grayscale de The Quartz, si jamais vous avez l'occasion de l'écouter, elle est super. Et voilà, pour moi, moi j'ai beaucoup écouté de musique très chill, c'est très cosy cet été. Du coup, je tranche un peu par rapport à tous ces gens qui écoutent de la musique qui fait sauter et danser. Ouais. Voilà. Mais pour revenir à toutes celles qui ont dit la musique qui bouge et tout, je suis grave d'accord parce que je pense en fait que rien que le fait qu'il fasse beau, on a envie de sauter, on a envie d'être joyeux. Non mais vraiment. Et je pense honnêtement que c'est le soleil qui me donne envie d'écouter de la musique qui bouge. Mais je comprends très bien. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire, les filles ? Moi, c'est bon. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un super bon été. Ouais, carrément. Ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour. Et puis, pareil, j'espère que votre été était sympa et bon courage pour la rentrée. Et oui. Bah voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci de l'avoir écoutée. On espère qu'elle vous a plu. On vous souhaite toutes les trois beaucoup de courage pour la rentrée. Ne soyez pas trop nostalgiques de votre été. Ça revient l'année prochaine. Courage. On va tenir jusque-là. Et tout de suite, on va se quitter, avant d'écouter l'émission suivante, une rediffusion de Plus Fort J'entends Rien, on va se quitter en musique avec Wonderwall de Oasis, un groupe qui s'est récemment reformé. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Et justement, on se retrouve parce qu'on a quelques minutes de rap sur notre émission. Donc, on va vous passer la chanson dont a parlé Sarah tout à l'heure, dont a parlé Sarah, de Grayscale. Et c'est parti. You say I'm never intentional, yeah. I did offend it, our systems go, yeah. I aim my rockets for a soft launch, public displays of affection, hoping we get caught a lot. Driving movies, probably fucking in the parking lot. Eat your nine, I like it's 8 p.m. on Ramadan. Grayscale, grayscale, gray area, gaslighting on the flames of a Sagittarius, I'm brave. Drive me crazy, have my baby, not a maybe. You're my only sugar lady. The things we say to get laid. Gray area, gray scale, gray scale. Gray area, gray scale, gray scale. Like a situationship, but you don't take that shit. You ain't no basic bitch. I really gotta get my pesos quick. A Cartier on wrist and a vacation trip. Bobby and Whitney, putting your mind in a frenzy every time we meet. All you want is your peace. I can't blame you. This dick isn't weak. Grayscale, grayscale, gray area, gaslighting on the flames of a Sagittarius, I'm brave. Drive me crazy, have my baby, not a maybe. You're my only sugar lady. The things we say to get laid. Gray area, grayscale, grayscale, gray area.